Selon le journal d'internet sud-coréen Tongilius, la direction sud de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie a constitué le 25 mars le comité préparatoire pour le rassemblement pan-national pour la paix et la réunification de la patrie et le développement des relations intercoréennes. Lors du service de constitution tenu à l'arrondissement de Changsu de la province du Jeolla du Nord, sous la participation des membres des organisations de différents milieux de partout de la Corée du Sud, ont été présentés les messages de solidarité envoyés par la direction Nord et la direction d'Outre-mer de l'Alliance. Y ont été prononcées des allocutions suivies de la lecture d'un test de résolution. La résolution appelle à s'efforcer pour conclure l'accord de paix et liquider les vices de division comme l'abolition de la loi sur la sécurité, à organiser des comités préparatoires pour le rassemblement pan-national dans toutes les régions et secteurs de Corée du Sud, à redynamiser les échanges, coopérations, dialogues et contacts multilatéraux intercoréens comme des cérémonies communes nationales et à réaliser l'union et la solidarité étendue avec tous les milieux pour le rassemblement pan-national.